Cherche-moi si ça te chante. Tu feras ce que tu veux. Mais vois-tu par la présente, moi je voudrais te dire adieu. J'en ai assez de tes caprices. Je ne suis plus ton pantin. Ce qui pour moi était délice a aujourd'hui goût de venin. Car je veux aimer au grand jour, sans éviter les passants. Car je veux aimer sans détour, sans me cacher. Comme un amant, comprends donc que ça m'énerve de toujours penser à lui pour le garder en réserve. Tu ne me vois que la nuit, tu ne me fais pas confiance, tu as peur de te tromper. Ce qu'on dit de moi, je m'en balance. Il faudra te décider. Car je veux aimer au grand jour, sans éviter les passants. Car je veux aimer sans détour, sans me cacher. Comme un amant, on raconte que l'on s'égare dans cet amour clandestin. De ce jeu, moi j'en ai marre, j'aimerais en voir la fin. De ce fichu labyrinthe, nous ne sortirons jamais. Et mon ardeur s'est éteinte, et je n'ai plus que des regrets.